si bien aimé parce qu'il avait tué. Provisoire, mis à mort sans la gloire, il nous a quittés. Ouais, ouais, ouais, c'était pour eux un rebelle, mais de lui on se rappelle parce qu'on est ses boys. Ouais, ouais, ouais, on est les boss de la colonie, on est les boys de Louis Boys, de Riel Louis. On est les boss de la colonie, on est les boys de Louis Boys, de Riel Louis. Louis Riel est notre père, exécuté chez notre terre, c'était pour le faire taire. Ouais.